d'un éther suffit. Me voilà transposé en une fraction de seconde vers l'au-delà. La réalité d'en face, celle qui dépasse votre téléviseur. J'avale les images, je les digère, je les vomis. J'imprime. Latence rétinienne en défilement permanent. Je suis une entité numérique, je n'existe pas. Je suis une onde de choc passive. Je circule comme la lumière d'un bout à l'autre de l'inutile. D'une perversité cadavérique aux conneries messagères. J'avale tout. Observation du monde contemporain. Sydney, Tokyo, Paris, Novosibirsk. Le monde moderne a peur. Je ne suis pas là pour le rassurer. La fin des temps ne passe pas par moi. Je ne fais qu'observer. Un consommateur se consume tout seul, brûlé par le feu intérieur de l'ennui. Son déplacement fatigue. L'herbe pousse entre chacun de ses pas. Plongeons tête la première dans son marasme égocentrique. Ça n'est pas beau à voir. Il mate sa propre décomposition comme s'il regardait en direct l'implosion d'une nébuleuse vieille de plusieurs millénaires. Arrêt sur image. Instant mystique. Déchirement de lumière multicolore. Atrocité psychique. Dans un silence absolu. Souffre, mais rien ne va se passer. Rien. Il finira fatigué par ses complaintes, lassé par les bombardements incessants des idéaux dogmatiques. Vie facile ou misère pastiche. Dans mon pays monolithique, j'ai une meilleure existence que celle de mes ennemis, dira-t-il. C'est bien connu. Ils pensent tous sur le même chemin. Je le vois bien, la même ligne droite. Un cordon ombilical attaché au placé glorieux qu'il relue comme de vieux séniles. Ne surtout pas faire table rase. La révolution n'arrivera pas. La fin christique tant espérée n'aura pas lieu. Chacun pour soi. Dieu n'existe pas. Personne n'y échappera. Conflit d'intérêts et guerre de purification, ça n'amuse qu'un temps. Une fois tous rangés derrière le grand capital, il ne se passe plus rien. Seuls quelques diades obscurs viennent animer un quotidien morose. Acte 1. Un œil binaire surveille la zone industrielle anonyme d'une banlieue ignorée. La Seine baigne dans le sodium. Température extérieure 5 degrés Celsius. 20h14. Un papier gras luisant traverse la route. Panoramique sur l'arrêt de bus. Le premier homme mort d'ennui s'effondre. Le bruit mou d'un sac de viande qui s'affaisse ne perturbe pas l'ambiance glaciale de la zone. Acte 2, scène 4. Le journal télévisé ronronne. Salon typé suédois normand de mauvais goût. Braquage de banque et destruction de symboles pour passer le temps. Aucune allusion aux disparitions. Un fauteuil de bois, de mousse et de poussière repose au milieu de la pièce. Sarcophage parmi tant d'autres pour quelqu'un qui n'aura pas fait de vagues. Une dernière cigarette se consume sur le côté d'un cendrier de métal noir. Scène. Le dénouement, la végétation reprend ses droits comme si de rien. chemin.